Chapitre 20. Tout le monde est heureux. Conclusion. L'année suivante, au commencement de l'été, Moutier vint annoncer un matin qu'elle fit avait une petite fille. Le général en fut très content. « C'est moi qui suis parrain, dit-il. »« Et moi, je serai marraine, dit madame d'Abrovine. » Moutier remercia et courut porter la bonne nouvelle à Elfie. La marraine donna à sa filleule Marie une charmante et utile layette. Le parrain lui donna 20 000 francs et une foule de présents pour le père, la mère et l'enfant. Peu de temps après la cérémonie du baptême, qui fut suivie d'un excellent repas et d'une abondante distribution de dragées et d'objets de fantaisie, le général appela Natacha. « Mon enfant, lui dit-il, sais-tu que je suis vieux ?»« Je le sais, grand-père, mais votre santé est bonne et vous vivrez longtemps encore. » « Mon enfant, sais-tu que je serais si heureux si Romane ne nous quittait jamais ?»« Et moi aussi, grand-père, je voudrais qu'il restât toujours avec nous. » Le général. « S'il nous quittait, ce serait bien triste. » Natacha. « Oh oui, bien triste. C'est lui qui anime tout, qui dirige tout. Mes frères et moi, nous ne faisons rien sans le consulter. » « Tu l'aimes donc ?»« Je crois bien que je l'aime. Je l'aime autant que vous, grand-père. » Le général sourit, baisa le front de Natacha. « Eh bien, mon enfant, il dépend de toi de faire rester Romane près de nous, toujours. »« De moi ? Dites vite, grand-père, que faut-il faire ?»« Une chose bien simple, devenir sa femme, pour qu'il devienne le fils de ta mère et le mien. » Natacha riant. « Moi, devenir sa femme ? Oh, grand-père, vous plaisantez sans doute. » « Il ne voudrait pas de moi qui suis si jeune et si folle. »« Tu vas avoir 18 ans dans 6 mois, Natacha, et lui en a 28, ce n'est pas... »« Mais il a tant souffert, grand-père. C'est comme s'il en avait 40. »« Non, non, il est trop raisonnable pour vouloir m'épouser. »« Crois-tu qu'il ne t'aime pas ?»« Au contraire, grand-père, il m'aime beaucoup. Je le vois et je le sens. Il pense toujours à moi, à mon bonheur, à mon plaisir. » Il trouve bien tout ce que je dis, tout ce que je fais. Et même, grand-père, je vous avouerai que je ris quelquefois de sa vivacité à me défendre quand on m'accuse, de sa colère contre ceux qui me trouvent en faute, de son aveuglement à mon égard. Car enfin, je parle et j'agis souvent très mal. Et lui trouve toujours que j'ai raison. Oh oui, il m'aime. Et moi aussi, je l'aime bien. Mais alors, pourquoi ne veux-tu pas l'épouser ? Natacha vivement. « Mais moi, je ne demande pas mieux, grand-père. C'est lui qui ne voudra pas. »« C'est ce que nous allons voir, » dit le général, riant et se frottant les mains. « Dérigny, Dérigny, allez me chercher Romane et amenez-le-moi vite, vite. » Natacha. « Et moi, grand-père, je me sauve. »« du tout, reste près de moi. »« C'est que je le gênerai pour refuser. Pauvre homme, ce sera désagréable pour lui. »« Ce sera sa punition s'il refuse. » Natacha rougissant. « Grand-père, c'est que... »« Quoi donc ? Parle, mon enfant !»« Grand-père, c'est que... »« Je n'y pensais pas du tout avant que vous m'en eussiez parlé. »« Mais à présent, s'il refuse, cela me fera de la peine. »« Et j'ai peur qu'il ne le voie, il est si bon. »« Il consentirait alors par pitié pour moi, et il serait très malheureux. » Natacha appuya sa tête sur l'épaule du général et pleura. Au même moment, le prince entra. Le général. « Viens, mon bon ami, mon bon Romane, viens m'aider à consoler la pauvre Natacha. Tu vois, elle pleure amèrement, là, sur mon épaule, et c'est toi qui l'as fait pleurer. »« Moi ?» s'écria Romane, en s'avançant précipitamment vers Natacha, en retirant doucement une de ses mains de dessus de l'épaule du général. « Natacha, ma chère enfant, comment ai-je pu faire couler vos pleurs ? Moi qui donnerais ma vie pour vous voir si heureuse. » Natacha releva la tête et sourit. Son visage était baigné de larmes. « C'est la faute de grand-père, » dit-elle. Le général riant. « Eh bien, voilà une bonne invention, par exemple. Romane, je vais te dire pourquoi elle se désole. Je sais qu'elle t'aime, je sais que tu l'aimes. Elle a bientôt 18 ans, tu en as 28. Je lui propose de devenir ta femme. » « Et elle ne veut pas ?» dit Romane en pâlissant et en laissant retomber la main de Natacha. « Tu n'y es pas, elle veut bien, elle serait enchantée. »« Mais alors pourquoi ?» dit Romane, dont le visage exprima le plus vif bonheur. parce que mademoiselle prétend qu'elle est trop jeune, trop folle, que tu ne voudrais pas d'elle, et que tu ne l'accepterais que par pitié, et cette crainte l'a fait pleurer. » Romane reprit vivement la main de Natacha, s'agenouilla devant le général, et dit d'une voix émue. « Mon cher et excellent ami, je vous demande à genoux la main de cette chère et aimable enfant, qui fera mon bonheur comme je ferai le sien. Recevez-moi dans votre famille, à moins que Natacha ne me repousse, moi, pauvre et proscrit. » « Que je refuse, moi ? » s'écria Natacha en se jetant dans les bras de son grand-père. « Grand-père, dites oui pour le rassurer. » « Que Dieu vous bénisse, mes enfants, » dit le général, les yeux pleins de larmes et les serrant tous deux contre son cœur. « Tous mes vœux sont comblés. Romane, mon fils, prends ce trésor charmant que toi seul es digne de posséder. Allez, mes enfants, trouvez votre mère, qui attend le résultat de notre conversation. Va, ma Natacha, va présenter à ta mère le fils qu'elle désire depuis longtemps. » Natacha et Romane embrassèrent tendrement le vieux général et allèrent tous deux se jeter dans les bras de madame d'Abrovine, qui les embrassa et les bénit en pleurant. La nouvelle du mariage de Natacha fut portée par elle-même au Dérigny et au bon curé, qui étaient depuis longtemps dans le secret, puis à Elfie et à Moutier. Le général demanda qu'on hâtât la cérémonie. « Je n'aime pas attendre, dit-il. Vous vous connaissez bien, n'est-ce pas? À quoi bon attendre? Attendre quoi ?» Romane sourit et regarda Natacha, qui sourit aussi. « Eh bien, personne ne répond, dit le général. « À quand fixez-vous la noce, mon père ? » dit madame d'Abrovine. « À une quinzaine, pour avoir largement le temps de tout organiser. » Madame d'Abrovine. « Largement, une quinzaine ? Mais, mon père, je n'ai pas le temps d'avoir le trousseau de Natacha. » « Eh bien, Romane la prendra sans trousseau, n'est-ce pas, Romane ?» Pour toute réponse, Romane proposa d'aller de suite porter la bonne nouvelle au curé et au moutier. Le général, madame d'Abrovine, les enfants, les Dérigny, voulurent être de la partie, et on y alla en deux voitures. Le général annonça à tous les gens du pays qu'il rencontra que le mariage de sa petite fille aurait lieu dans 15 jours, et les invita à la noce, y compris le repas. Dérigny se mit en campagne pour organiser une fête qui laissa de bons et glorieux souvenirs dans le pays. Le général fit venir le notaire. « Je donne, dit-il, 4 millions à 16 enfants, dont 2 à Romane et 2 à Natacha. Le reste de mes 16 millions sera pour la mère et pour les garçons, sauf quelques legs à mes amis. » Le temps fut superbe le jour du mariage. Tout le pays était invité à la noce. On dressa des tables sous les tentes, dans la prairie, devant le château. Le repas fut magnifique. Natacha et Romane avaient demandé au général que les pauvres paysans eussent une large part dans la dépense. 50 familles reçurent, par l'entremise du curé, des sommes considérables qui les tirèrent de la misère. Les pauvres de la commune furent particulièrement favorisés. Après le repas, on dansa jusqu'au lendemain, comme aux noces d'Elfie, mais le général, devenu plus vieux, ne dansa ni ne valsa. Ils vivent tous ensemble et restent tendrement unis. Le général rend tous les jours de ferventes actions de grâce à Dieu, du bonheur dont jouissent Natacha et Romane, et du calme revenu dans le cœur de madame d'Abrovine. Romane veut terminer l'éducation de ses jeunes beaux-frères. Et ils seront, dit le général, des chrétiens fervents et des jeunes gens accomplis, et ils feront de bons mariages. Quant à Jacques, il épousera la fille d'Elfie. Paul épousera la seconde fille. Natacha. Mais Elfie n'en a qu'une, grand-père. Le général. Cela ne fait rien, elle en aura une seconde. Jacques sera mon régisseur après son père. Paul restera avec Moutier. Dérigny et sa femme ne me quitteront jamais. Et je mourrai, vous léguant à tous des sommes considérables, entouré de mes enfants et petits-enfants, dans les bras de notre bon curé, qui restera toujours notre confesseur et notre directeur à tous. Et je reposerai dans le tombeau de famille, où vous me rejoindrez un jour. » Lu par Sabine pour audiocité.net sous la licence Art Libre.